15. $40 pour l'aller-retour. Informez-vous au 1-866-861-4108. Une invitation de la bière Belle Gueule. Pour commencer votre journée bien informée, écoutez les Matins éphémères du lundi au vendredi de 7h à 9h avec Caroline Stephenson. Les Matins éphémères sont une présentation de la boîte à pain Café Napoli. Des boulangers et des cuisiniers passionnés qui préparent chaque jour avec un plaisir renouvelé des pains artisanaux, des viennoiseries, des sandwichs et des pizzas de qualité supérieure. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e avenue Limoilou et le 289 Saint-Joseph Est. Boiteapain.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? En présentant votre carte, économisez 10% à la librairie Pantoute, au 1100 rue Saint-Jean et au 286 rue Saint-Joseph. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Bonsoir tout le monde, bonsoir les poussinots, bonsoir les poussinettes. Je rêvais de dire ça depuis une semaine. Bienvenue à la deuxième émission de Parenthème. Inquiétez-vous pas, là, après 5 émissions, je vais peut-être arrêter de faire le décompte d'on est rendu à combien d'émissions. Alors, l'émission sur la parentalité sur les ondes de CKRL. Pendant une heure, on vous parle de plein de sujets qui touchent les parents. Aujourd'hui, on va parler entre autres de parents secours qui existent encore. Et oui, même si on voit de moins en moins de pancartes, Isabelle Chabot va nous en parler. Julie Gagné va nous inviter à différentes activités dans les bibliothèques qui ne ferment pas pendant l'été. Annie Cloutier nous fait réfléchir à la simplicité volontaire des parents, des enfants aussi, j'aurais le goût de dire. Catherine Bouchard va nous parler de création pour les enfants faite ici. Et André-Pierre Bérubé va nous donner, écoutez bien, là, 5 clés pour réussir sa garde partagée en cas d'invasion de zombies. J'en sais pas plus. C'est tout ce qu'il m'a envoyé, André-Pierre. Fait que je sais pas, ça va être quoi d'autre. Oui, ça promet, effectivement. Et on vous invite à nous suivre sur la page Facebook, le compte Twitter sous les noms Parenthème ACKRL. Et on commence tout ça avec Marie-Ève Rivrain. Bonsoir, Marie-Ève. Bonsoir. Je suis toujours très embêtée à cette heure-là si on dit bonjour ou bonsoir. Si quelqu'un pouvait m'écrire la réponse sur Facebook ou Twitter, ça pourrait vraiment m'aider. Marie-Ève, qui va nous parler au cours de l'été des différentes... choses, activités, expériences que tu as vécues enceinte pendant ta première grossesse, pendant ton premier congé de parentalité avec ton enfant. Et là, tu es enceinte déjà d'un deuxième. Oui, ben oui. Et souvent seule à la maison. Oui, ben j'ai été seule toute l'année en fait parce que mon conjoint étudiait à l'étranger. Donc ça a été une belle expérience, comme la première partie pas enceinte et la deuxième partie enceinte et le retour au travail, tu sais, histoire de faire ça bien compliqué. Et donc, essayer plein de choses, des trucs pour essayer de s'améliorer la vie. Oui, exactement. Dont le portage dont tu vas nous parler aujourd'hui. Moi, je sais pas si je remarque ça depuis que j'ai eu un enfant, mais j'ai l'impression qu'il y a une explosion de porte-bébé. J'ai l'impression que c'est de plus en plus populaire également. On dirait que les gens ont décidé d'abandonner un peu les poussettes qui sont moins adaptées, ou en fait, c'est la vie qui est moins adaptée nécessairement aux enfants. Donc, avec le portage, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et ma découverte, justement, enceinte, ça a été qu'on pouvait porter malgré la bedaine. Donc, ça, j'étais bien contente d'apprendre ça au salon paternité-maternité. Donc, merci. Alors, c'est ça. Donc, dernièrement, j'ai fait l'expérience, d'un métal, en fait, pour porter. Ça, c'est un porte-bébé d'origine asiatique. Donc, c'est un carré de tissu. Il y a 4 lanières qui partent des extrémités. Donc, 2 lanières courtes pour faire la ceinture, puis 2 lanières plus longues pour faire les bretelles. Puis, c'est super facile de porter avec ça dans le dos, en fait. Ça m'a vraiment étonnée. C'est ça, parce que l'enceinte, tu peux juste porter dans le dos? En fait, on peut porter devant aussi. Mais, okay. Tu sais, moi, mon petit loup, il est déjà rendu à 25 livres. Donc, c'est sûr que de temps en temps, je suis capable de le porter sur le ventre, mais comme à long terme, des fois, ça me tire un peu sur la bedaine. Mais comme de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment de contre-indication après, tu t'en parles à ton médecin, mais c'est sûr. C'est plus une question de confort. Mais c'est une question de confort, c'est ça. C'est de s'écouter. Donc là, moi, je trouve ça vraiment plus facile sur le dos. Puis j'ai vu vraiment beaucoup de commentaires, en fait, de mamans qui trouvent aussi que c'est plus facile sur le dos parce que ça contrebalance le poids de la bedaine, en fait. Donc, on se sent un peu plus légère malgré le surpoids. Donc, étonnamment. Mais là, est-ce que c'est... Moi, j'ai pas encore osé essayer le portage sur le dos. En général, semble-t-il que c'est plus difficile de mettre un bébé dans son dos, là, avec le ventre qui vient encombrer. Ben, ça dépend quel âge, je te dirais. Moi, okay. Je me dis, Arnaud, il y a quand même... j'ai fait le test, il y avait déjà 11 ou 12 mois. Donc, tu sais, c'est un enfant qui se tient bien. Puis, il y a vraiment une technique pour le prendre sur le côté vers l'avant puis aller chercher son bras vers l'arrière pour le faire basculer derrière. Donc... Moi, j'ai été étonnée à quel point c'est facile, en fait. Il y a plein de vidéos sur YouTube, oui, d'ailleurs, qui peuvent fait, vous aider. Tout à fait, tout à fait. Toi, tu as un maïtaï. Il y a d'autres sortes de porte-bébé oui. aussi. J'avais également fait le test de l'écharpe extensible quand mon bébé était plus petit. Donc, moi, personnellement, je trouve que ça va mieux avec des nouveaux-nés, justement. Donc, l'écharpe extensible, c'est un long bout de tissu extensible. Là, après, il faut apprendre à faire le nœud. Mais contrairement à une écharpe pas extensible, qu'il faut que tu fasses le nœud avec le bébé dedans, donc ça te complique la vie, là, tu fais le nœud avant de mettre le bébé. Donc ça, je trouvais ça vraiment plus facile, puis c'est ça, l'écharpe extensible avec les nouveaux-nés, j'ai trouvé ça super, super, super pratique. Et récemment, parce que bon, on va se le dire, je me suis abonnée au groupe des mamans adeptes du portage sur Facebook, c'est faites un créateur ça, de besoins. J'ai vraiment découvert beaucoup de choses sur le portage par le biais de ce groupe-là. Puis voilà, je me suis créé un besoin, donc j'ai acquis un sling ou ring sling, qui est une bande de tissu avec un anneau que tu arranges dans le fond la bande de tissu pour les rentrer dans l'anneau la première fois. Puis après, ça se met un peu comme une ceinture de mini-miste, c'est ça, en bandoulière. Puis tu mets le bébé sur ta hanche. Donc ça, c'est très recommandé en fait pour les enfants plus vieux parce que justement, c'est plus facile à mettre. Puis, c'est plus facile de mettre, d'enlever le bébé. Donc, c'est idéal, justement, à l'âge d'Arnaud où il va commencer à marcher. Donc, bon, l'enfant va être dans les bras, tu le mets là-dedans, ça, c'est pas trop dur de l'avoir dans les bras. Il veut marcher. Bon, ben, tu l'enlèves facilement. Ça, c'est pas pour une longue période. Non, exactement. C'est pas recommandé pour les longues périodes parce que, bon, en bandoulière, après, c'est juste l'épaule, contrairement aux autres porte-bébés qui c'est toujours sur les deux épaules. Donc, ensuite, tu sais, mon petit faire attention quand on porte, moi je le recommande vraiment, le portage, il y a vraiment d'autres sortes de porte-bébé, comme toi je crois que tu as... Moi j'ai un Ergo Baby, qui est un porte-bébé avec plus des attaches, là, ouais. Carrément, donc je dirais que c'est quasiment le plus simple. Moi, c'est ça, j'aurais acheté, je pense, si mon chum avait voulu porter, ça aurait été plus facile que les nœuds. C'est ça, c'est quand même assez simple, mais il faut aussi l'ajuster quand même ouais. Pour qu'il soit assez haut, donc je suppose que ça va être dans les conseils que tu voulais nous donner. Oui, ben en fait, c'est ça, comme de faire attention de porter de façon ergonomique, parce que ce ne sont pas tous les porte-bébés qui sont ergonomiques, donc c'est très, très, très, très, très important de bien s'informer, bon, sur Internet, il y a des boutiques aussi, comme entre autres à Québec, je crois qu'il y a Rosalys, entre autres, à Place Fleur-de-Lys, qui peut vous conseiller, qui peut vous aider, même si vous avez acheté un porte-bébé ailleurs, elle accepte de vous aider à l'ajuster, vous montrer comment faire. Fait que c'est vraiment l'idéal parce que c'est ça, le portage c'est bien, mais il faut que ce soit confortable et pour le bébé et pour le parent. Donc, après, c'est ça, de faire attention aussi à la position face vers le monde. C'est pas nécessairement pas recommandé, mais sur des courtes périodes parce qu'après, pour l'enfant, paraîtrait que ça cause beaucoup de stress. Puis on voit beaucoup de parents qui portent en fait l'enfant comme ça, mais c'est préférable sur la hanche ou sur le dos. Puis, c'est pas mal, ça. Parce qu'en fait, sur beaucoup de boîtes ouais. de porte-bébé, on voit on le bébé vers ça, l'avant. Oui. Puis, il faut aussi que le bébé soit assez haut. Oui. Donc, à hauteur de bisous. Oui, c'est ce qu'on dit. Tout à fait. Il faut pouvoir donner des bisous à notre bébé. Ça, c'est, je crois, l'affaire la plus difficile à faire, de mettre le bébé vraiment assez haut pour qu'il soit oui. à hauteur de bisous. Donc, et on vous le dit... vous pouvez vraiment vous créer des besoins. Ça peut coûter très, très, très, très cher. Mais ça vaut quand même la peine parce que, justement, les offres de porte-bébé à 30 $ ergonomiques, ça se peut pas. Non, il y en a pas. Vous oubliez ça, ça n'existe mais c'est, pas. Mais c'est vraiment un bon investissement. Puis il y a vraiment beaucoup de sites Internet, justement, comme sur Facebook. Il y a des mamans qui partagent leur endroit où elles achètent. Il y a des athlètes aussi là, qu'on peut acheter comme sur Internet. C'est ça. Il y a vraiment moyen de trouver des trucs pour tous les budgets. Mais c'est sûr, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui vaut vraiment, vraiment la peine parce que la plupart des porte-bébés, on peut quand même porter assez longtemps, là. Ah oui, jusqu'à... C'est pas juste pour les nouveaux-nés. Comme... Ben, toi, le tien, il est ben, costaud. C'est comme pour le métal, c'est ça. Comme je pense, c'est jusqu'à 35 livres. Puis le ring sling, il disait jusqu'à 3 ans, les enfants. Là. Fait que après, c'est ça, ça dépend du confort du parent et de l'enfant. Un beau cadeau de shower aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Ève. personne n'a deviné le pont autour de la table. Alors, normalement, on aurait dû continuer à le faire jouer parce que c'est ça le jeu. On met le pont jusqu'à ce que quelqu'un le devine. C'était Welcome to the Jungle. De Guns N' Roses. Alors, on a Guérite, je crois, de l'autre côté de la fenêtre, qui aurait été supposé de le deviner, mais non, il ne l'a pas deviné. Donc, c'est ça, à part en thème, nos ponts, c'est des versions, des chansons rock, versions berceuses pour enfants, et le but, c'est de les deviner. Isabelle Chabot. Bonjour. La chronique d'Isabelle Chabot cet été, ça va être « Tu es notre seul non-parent » à l'émission Parenthème. Exactement. Et tu vas nous... Ta chronique, c'est vraiment que ça prend un village pour élever un enfant. Donc, toi, t'es le village. Je suis le village. Je parle pour au nom des voisins, des tantes, des oncles, marins, parraines, tuteurs. Et là, donc, aujourd'hui, quoi de mieux que Parents Secours, justement, qui est vraiment le village qui aide l'enfant. Et là, ça existe encore, Parents Secours? Il me semble que moi, j'ai pas vu d'affiche de Parents Secours dans une fenêtre depuis les années 90. Exactement. On peut être surpris, mais effectivement... Parents Secours, ça existe encore et il y a quand même beaucoup d'affiches-fenêtres parce que je suis allée voir un peu les statistiques. Ah oui, bon, je suis allée voir, on a même un foyer-refuge ici dans la salle. C'est quoi un foyer-refuge? Oh, attendez, on va monter, donner le micro à Annie. C'est-à-dire que, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai eu la pancarte pendant de nombreuses années. Là, je suis pas certaine qu'elle n'est pas égarée. OK. Mais oh, ça n'a jamais servi, par contre. C'est la question qu'on se fait souvent poser. Exact. Oui. Ben, un foyer-refuge, en fait, c'est une demeure ou un appartement qui peut accueillir un enfant. Donc, les propriétaires détiennent l'affiche Parents Secours de couleur blanche et rouge. Et puis, quand on est à la maison et on est apte à accueillir quelqu'un, on met l'affiche et de cette façon-là, une personne qui sent le besoin. Donc, je dis une personne parce que c'est les enfants, mais aussi maintenant, c'est les aînés. Les aînés qui se sentent désorientés, qui sentent un danger, peuvent se présenter aussi. En fait, ça m'est déjà arrivé, ça. Oui, okay. Une fois, une personne aînée qui avait besoin d'aller à la salle de bain. Dans mon quartier, il n'y a aucun lieu public. Puis, mais par contre, c'est un lieu où on peut vraiment regarder des belles vues. Tu sais, les gens viennent un peu marcher. Puis, elle a dit, j'ai cogné à cause de votre pancarte. Donc, en 2014-2015, sur 72 interventions de foyers-refuges, donc de maisons qui peut accueillir... 72 à Québec? Non, à travers la province. Il y a eu une dizaine d'actions que c'était justement pour des aînés. Donc, puis 72 au Québec, c'est quand même beaucoup. Pour ce qui est des comités qui existent encore, parce qu'on dit qu'on n'en voit pas beaucoup d'affiches. En fait, les affiches, il y en a plus de 4000 à travers la province. Ça compte environ 8000 bénévoles qui sont rejoints là, par les affiches. Puis, dans le fond, à Québec en tant que tel, il y a cinq secteurs qui sont encore là, en fonction où il y a des comités. Donc, dans la Haute-Saint-Charles, c'est particulier parce que le comité est survit, en fait, parce qu'il y a énormément de... On manque de bénévoles, en fait. Donc, dans la Haute-Saint-Charles, ça fait 36 ans que le comité est en vie. Il y a Wendake, Val-Bélair et nouvellement, il y a Beauport, en fait, qui s'est ajouté. Donc, il n'y a rien au centre-ville, la cité Limoilou. Il n'y a rien au centre-ville. Donc, si jamais quelqu'un veut partir... Moi, j'avais la Sillerie, c'était quelqu'un... Ah, Sainte-Foy aussi, pardon. Ah, okay. Effectivement, Sainte-Foy. Puis c'est un comité qui est quand même ancien. Donc, ça fait longtemps que Parents Secours existe là, dans ce secteur-là. C'était mon cinquième qui manquait. Quand on parle de 4000, est-ce qu'on parle de 4000 toujours actifs? Ou bien c'est des gens qui ont des affiches comme Annie depuis peut-être très, très longtemps et certaines qui sont perdues dans un sous-sol? Non, c'est 4000 toujours actifs parce qu'il y a... entre autres, je vais vous expliquer un peu quelles conditions on doit remplir pour pouvoir être un foyer-refuge, pour avoir son affiche-fenêtre, en fait. Parce que c'est particulier, on va pas donner d'affiche-fenêtre à n'importe qui habite aussi n'importe où. Il faut qu'entre autres, les personnes adultes de la maison, en fait, tous les membres qui habitent la résidence ou l'appartement, ils doivent ne pas avoir d'antécédents judiciaires qui ne respectent pas un peu la mission de Parents Secours. Donc, on peut penser à toutes sortes de vols, pornographie juvénile, toutes sortes d'antécédents qui pourraient justement venir à l'encontre de la mission de Parents Secours. Il y a aussi la fenêtre où on va mettre l'affiche fenêtre, en fait. Elle doit être visible de la rue. Donc, on pense à un enfant. Moi, j'habite au deuxième étage. L'enfant verra jamais mon affiche. Donc, malheureusement, je ne peux pas être foyer-refuge. Il pourra peut-être pas monter les escaliers. Exact. Ça, c'est la deuxième condition aussi. Il faut que l'affiche soit près de la porte et qu'elle soit facilement accessible. Donc, un appartement où il y a plus une seule porte et où on doit sonner pour pouvoir entrer, ça fonctionne pas le temps que l'enfant sonne. si un danger est vraiment imminent, ben ça sera pas sécuritaire. Donc les gens peuvent pas justement avoir la fiche fenêtre lorsque ils remplissent pas ces conditions là. Puis dans le fond, l'idée de les 4000 là qui sont toujours actifs, c'est qu'on doit faire toujours les vérifications. Il y a différentes périodes là. Si je me trompe pas, je pense que c'est aux 3 ans que les antécédents doivent être vérifiés au complet. En tout cas, il y a un suivi qui est fait par les comités et de là le besoin d'avoir des bénévoles pour tenir ce comité-là local en vie, parce que la démarche d'antécédent judiciaire, c'est ce qui exige le plus de temps. Et d'ailleurs, Parents Secours est en train de réviser un peu sa méthode, parce que c'est pas évident pour les familles de pouvoir obtenir la fiche fenêtre, parce que bon, il y a toutes sortes d'étapes à suivre, tout ça. Et aussi pour les bénévoles, ça fait beaucoup de tâches. Donc là, ils sont en train de voir comment on pourrait faciliter tout en respectant un peu les aspects sécuritaires. Est-ce qu'il faut donner un nombre d'heures? Est-ce qu'il faut dire je suis disponible à ma maison 5 heures par jour, 6 heures par jour, ou c'est pas vérifié, vous mettez juste la pancarte quand vous êtes là? À certains endroits, j'ai vu qu'il y avait des heures qui étaient spécifiées. Mais pourtant, lorsque j'ai parlé avec l'organisation Parents Secours, on me disait que dans le fond, on présuppose que les gens qui veulent l'être sont disponibles. Mais nous, ils demandaient d'enlever la pancarte quand on sort. Oui, c'est ça. Mais j'ai jamais pensé à ça. Pas une seule fois, j'ai pensé à ça dans toutes ces années. Mais je me souviens qu'ils le demandaient. Et c'est pour les exigences. Ah, ben oui, mais en même temps, mais on peut être à la maison, mais pas être apte. Si on a de la visite ou on se dit, garde là, je vais être concentré, tout ça. Mais en même temps, c'est important de l'enlever, parce qu'un enfant qui va sentir un danger, ben là, il va se retrouver avec une porte close, en fait. Dans le fond, on a parlé un peu des principes, on a parlé des conditions. Ce que je voulais peut-être dire, entre autres, c'est que, dans le fond, le nouveau comité de Beauport tient une journée d'information à la baie de Beauport. Il y a une fête familiale en fin de semaine, le 14 juin, et à partir de 10 heures, il va y avoir le directeur général de Parents Secours qui descend de Trois-Rivières et le comité de Beauport qui va être sur place. Et les membres, en fait, ils vont donner de l'information et distribuer des formulaires pour devenir des maisons refuges, en fait, parce que ils sont à la recherche de refuges pour Beauport, entre autres. Alors, en fin de semaine, si ça vous intéresse, à la fête... Va être au kiosque Coopérateur. C'est un partenaire majeur là, de Parents Secours. Merci beaucoup, Isabelle. C'était Journey. Je ne sais pas qui. C'est qui? Don't Stop Believing. OK, je soupçonne qu'il y a un fan de Glee quelque part en régie, parce que cette chanson-là a été beaucoup popularisée par la série Glee. Je me tourne maintenant vers Catherine Bouchard. Vous écoutez toujours Parenthème sur les ondes de CKRL. Catherine, qui a la boutique Clémentine, on va le dire. Alors, toi, tu fais toi-même des créations. Oui, à temps partiel, parce que j'ai une garderie à temps plein aussi. Donc, c'est quelque chose que je fais. C'est plus un hobby qui est payé, parce que je revends mes créations, mais c'est vraiment présentement à temps partiel, là. Et là, toi, cet été, tu vas nous parler donc des différents créateurs d'ici. Parce que quand on devient parent, on devient aussi de grands consommateurs. Oui. Et parfois de grands consommateurs de bébelles inutiles. Inutiles, peut-être pas de qualité non plus, qui sont faits à l'étranger, qui... Ben, moi, c'est sûr, je valorise beaucoup l'achat local, puisque moi-même, je crée des choses. Puis, je me suis aussi aperçue de la qualité qu'on a ici, au Québec, au Canada. On peut acheter aussi de créateurs américains aussi, européens, mais le fait main, c'est pas ce que ça a toujours été. Là, c'est pas du macramé affreux, puis qu'on n'aime pas. Il y a vraiment, vraiment de belles choses, tant pour la déco, pour les chambres d'enfants, la literie, les jouets, les vêtements. Il y a vraiment de quoi trouver ce qu'on veut, pas nécessairement en payant nécessairement plus cher. Là. Alors, donc, on va commencer par une entreprise de Québec. C'est sur la rive sud de Québec. Je sais qu'elle est quand même pas mal connue. C'est Atelier Sincère qui fabrique beaucoup des jouets de bois. Il y en a beaucoup qui connaissent leur coupe légumes. Montre-nous ça. Là, j'ai amené... Je sais que c'est baveux pour les gens qui sont à la maison. Ouais. Ils ne voient pas, mais on va mettre des photos ben, là, sur Facebook. Oui. Ben, ça, c'est le pommier d'Atelier Sincère. C'est une espèce de casse-tête que les enfants peuvent faire soit de façon horizontale ou verticale. C'est tout fait par... C'est des morceaux de bois. Je le donne à Marie-Ève et Isabelle et Annie, il faut qu'ils essayent de le faire pendant ta chronique. Alors, dans le fond, c'est vraiment des morceaux de bois, certains avec des couleurs un peu... jaune, vert. Oui, puis c'est teint avec des teintures que les enfants... Je crois que c'est du colorant alimentaire. Puis avec de l'huile de lin. Bon, ça va bien, là. Ça tombe. Et on va vous donner le panier, les filles. Faites-vous du fun. C'est une maman de 4 enfants qui fait ça dans son atelier. Puis ça marche vraiment de mieux en mieux. Je lui tire chapeau. C'est une maman qui a des enfants à la maison puisqu'elle fait l'école aussi à la maison. Donc, en achetant, en même temps, je tire une certaine... je sais pas, satisfaction d'aider quelqu'un qui travaille pour le bien de sa famille. Puis, c'est un service à la clientèle exceptionnel. C'est vraiment beau. Alors, si je comprends bien, c'est super créatif, là, parce que les pièces vont pas nécessairement à un endroit. Non, mais c'est ça. L'enfant utilise son imagination pour le faire. Puis, de façon verticale, c'est beaucoup plus dur. Même le parent, est-ce que je vois? Oui, puis il y a toutes sortes de choses. Là. Il y a des jeux d'enfilage pour la motricité fine aussi qui est fait avec des boutons. Il y a des petites maisonnettes. Il y a une machine à coudre. Elle est vraiment, vraiment jolie. Là. Ça peut coûter combien un casse-tête comme ça? Ben, celui-là, il m'a coûté seulement 25 $. Ah, ben est-ce que c'est, franchement, là, pour quelque chose qui est fait au Québec, à la main, avec des produits non toxiques pour les enfants et de bois recyclé. Donc, c'est un produit écologique. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Vraiment. Le jouet a de la personnalité. On sait que c'est quelqu'un qui le fait avec amour, qui a travaillé dans son petit atelier pour confectionner ça. Là, c'est, il y a une abeille. Il y a une abeille, il y a des fleurs. C'est vraiment c'est beau. C'est vraiment, il faut voir. Oui, est-ce c'est qu'elle a un site internet? Oui, elle a une page Facebook, elle a une page Etsy. Ils sont souvent aussi dans des salons. Ils étaient venus au salon Trésor, justement, à Québec, avant Noël. Donc, ça vaut la peine aussi d'aller, quand vous voyez des salons d'exposition et tout ça, ça vaut la peine de se présenter parce qu'il y a encore plus d'articles qui sont disponibles qu'il y a vraiment sur leur site. Ils ont des liquidations. Puis les artisans, on peut toujours demander des demandes spéciales. Ça fait plaisir aux artisans. On leur écrit, moi, j'aimerais ça avoir ça de telle grosseur ou avec plus de pièces ou avez-vous un jouet qui était brisé, mais que vous n'osiez pas vendre, puis moi, je pourrais l'avoir à moindre coût, des choses comme ça. Vous demandez de le personnaliser pour aussi, notre enfant. Aussi, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je fais des poupées que je fais telles quelles, mais il y a beaucoup de demandes qui rentrent aussi. Ah, j'aimerais avoir une poupée telle couleur de cheveux, telle couleur de yeux, avec telle robe, maman, puis machin chouette, puis c'est correct, puis moi, j'adore ça aussi, là. Je veux créer quelque chose que la personne aime, puis c'est vraiment passionnant, là. Alors, on passe à une deuxième compagnie, Supayana. C'est vraiment beau, là. C'est des vêtements pour enfants. Ben, c'est parce que je suis vraiment passionnée. C'est une femme de New York qui a lancé ça à New York en 2003, puis finalement, elle déménage à Montréal, puis elle a tellement trippé à Montréal qu'elle a décidé de s'établir ici, puis elle crée à chaque année des collections pour enfants différentes d'une année à l'autre. Puis, vous pouvez toucher, là, c'est des vêtements qui ont été utilisés, lavés, séchés. Oh mon Dieu. Puis, la qualité est encore exceptionnelle. Vraiment. Les designs, c'est unique, là. Tu sais, irait chez Children's Place, puis on trouve pas ça, là. Mais là, des fois, pour le linge pour enfants, on se dit, ça vaut pas la peine d'investir, les enfants grandissent trop vite. Mais comme ça, elle fait beaucoup de petites robes. Disons une petite robe qu'on achète, petite robe, qui devient tunique, qui devient chandail. Je trouve que. C'est évolutif. Il y a des pantalons à 20 $ sur son site en vente. Il y a des choses qu'on peut passer d'un enfant à l'autre, c'est bien les petits vêtements. Ou ça fait plaisir aussi d'offrir en cadeau. Tu sais, au lieu d'offrir une bébelle à 5 $ ou même à 30 $ mais tu sais, c'est du plastique. Moi, je trouve aussi que l'enfant se stimule par lui-même au lieu de lui faire des jouets qu'il va rester passif devant. Là. Bien, tout comme les beaux chandails à offrir, c'est vraiment personnalisé. Ça aide quelqu'un qui travaille ici, ça aide le commerce d'ici. Puis en même temps, on fait plaisir à quelqu'un. Je trouve que c'est... Alors, c'est une pierre de cou. Ce que tu nous as amené ici, une espèce de une petite robe. Ça fait petite robe, puis ensuite ça fait tunique. Il y a tout le lien qu'on peut faire aussi évidemment avec les enfants qui travaillent dans les fabriques. Et voilà, ben c'est ça, je voulais en parler, c'est côté éthique aussi de l'achat local. Je dis pas que les artisans sont payés une fortune avec des choses qui justement ne font pas appel à des enfants. Ben moi je l'ai fait venir pendant la garderie, puis il est arrivé, puis j'ai expliqué aux enfants que c'est une madame pas loin de chez nous qui avait fabriqué ça de ses mains, puis c'était le fun qu'elle nous a envoyé ça au lieu de dire ça vient d'un autre pays. Puis c'est vraiment écrit fait au Canada. Là. Oui, c'est pas du designé au Canada, elle le fait, fait en Chine. Non, elle le fait elle-même chez elle. Là. C'est... Non, j'ai rien apporté de designé ici fait ailleurs. C'est vraiment non disponible ici. Au Dollarama. Non, vraiment pas. Puis souvent, les artisans d'ici vont prioriser aussi tout ce qui est matière première. C'est rare, on va trouver moins de polyester. C'est beaucoup de coton, 100% coton, beaucoup de biologique aussi, des jouets de bois, moins de plastique. Il y a beaucoup de gens de création, de créatrices qui sont, ça sont partis des colliers de silicone. Tu sais, au lieu d'aller dans du plastique, BPA, etc., machin chouette. Parce que là, on dit, ça, c'est en BPA. Oui, mais il y a peut-être autre chose. Là, ils nous ont sorti que le BPA était dangereux. C'est la nouvelle mode. C'est la nouvelle mode. Mais c'est BPA. Quoi? Il y a peut-être autre chose aussi dans le plastique qui est dangereux qu'on ne connaît pas encore. Donc, je me dis, pourquoi pas aller dans quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Les bébés mangeaient du bois avant, les anneaux de bois, les anneaux de dentition, ça a toujours existé. On revient aussi à ça. Puis c'est quelque chose qui est biodégradable. Ça, si les enfants l'enterrent dans la cour, ben il va juste se décomposer, il va pas rester là ad vitam aeternam. Mais le grand malheur des archéologues du futur. Ouais, peut-être. Ils vont dire, c'est quoi cet arbre? À quoi jouaient ces enfants? Il était bizarre, il n'y avait pas de jouets en plastique, eux autres. Et tu as une entreprise aussi de l'Ontario. Oui, ben en fait, ça c'est plus pour la décoration pour enfants, c'est Theatre Cloud qui fait de choses magnifiques. Alors, on a une carte de souhait et un cadre. Oh, c'est joli. C'est vraiment... on peut l'afficher chez nous aussi dans la maison, mais je trouve que c'est... Moi, je l'ai mis dans la garderie, puis les enfants la regardent beaucoup. C'est une femme qui produit ça en... C'est de l'encre et du papier spécial. Elle fait des superpositions, puis elle prend ça en photo. Puis la photo donne ça. Puis elle a lancé ça, ça fait quelques années. Puis là, maintenant, elle a eu tellement de succès qu'elle a fait un livre d'illustration pour enfants avec cette technique-là. Donc, elle est si douce, les couleurs sont douces. Puis il y a comme un... Ça, on peut s'y perdre, là, on peut le regarder puis se laisser emporter par les images. Là, c'est quelque chose de vraiment beau. C'est une femme qui fait ça en Ontario, une maman aussi. Dans le fond, tous les produits que je vous ai amenés, c'est des mamans qui font ça. C'est souvent ça. Ça, on peut trouver ça aussi sur Internet. Sur Facebook. La majorité des créateurs et des créatrices ont une page Etsy, sinon par Facebook, ou toujours leur écrire. Puis ça, on peut perdre du temps longtemps sur Etsy. Très longtemps. C'est pas mauvais. Là, je dis perdre du temps, je devrais peut-être pas ça, mais on peut passer beaucoup de temps là-dessus. Oui, donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous cible. Mais ben là, ça a été vraiment difficile. Il fallait que je fasse un choix, mais je me suis dit, je vais revenir, puis je vais présenter d'autres. Donc, tout le monde va être content. Puis, c'est ça. Merci beaucoup, Catherine. Ça m'a fait plaisir. Alors, vous êtes toujours sur les ondes de Parenthème. Qui l'a deviné? C'est encore, je sais pas, Jean-François, c'était Bob Marley, No Woman, No Cry. Une chance qu'on a des gens en régie, là, parce que jusqu'à maintenant, en studio, ça va pas tellement bien et les filles ont un peu honte, je dois avouer, merci. En ce moment. Alors, sur les ondes de CKRL, on enchaîne avec Annie Cloutier. Bonjour, Sandra. Salut, comment oui. ça va? Cette semaine, je vous lirai pas une partie de mon texte parce que c'est un texte qui est en forme de liste. Et ce texte-là, je l'ai écrit, ça fait maintenant environ un an et demi, au début, c'est un des premiers textes qui ont paru sur mon blog. Comme il y en a plusieurs qui le savent, un des nombreux chapeaux que je porte, c'est le chapeau de défenseresse des mères à la maison et des mères qui choisissent de travailler moins pour passer plus de temps auprès de leurs enfants. Est-ce que tu me permets de dire que tu as un excellent essai aimé, materné, jubilé, que je conseille à tout le monde? Je suis la présidente du fan club d'Annie, on va le dire. Oui, puis surtout, c'est toujours l'occasion de dire aussi qu'évidemment, ce n'est pas contre les mères qui travaillent, contre rémunération, pas du tout. C'est juste de réhabiliter un choix qui est moins populaire puis d'en faire valoir la beauté puis la possibilité. Dans ce texte-là, je parle de simplicité volontaire pour tous les parents, pas seulement les mères, les pères aussi, qui aimeraient donc passer plus de temps avec leurs enfants puis qui ne voient pas comment y arriver parce qu'on a donc des traites à payer, des hypothèques, des choses à acheter, etc., etc., qui ne savent pas par quel bout prendre ça et qui sont pris dans le dilemme, dans le fond, on peut le résumer très simplement, là, le dilemme d'offrir ce qu'il y a de mieux de matériel à ses enfants et de passer du temps avec eux, puis on dirait souvent que les deux ne sont pas conciliables. Donc là-dedans, je donne des exemples. Je commence avec ma liste, j'écris ce que nous n'avons pas, puis là, j'écris, bon, il y a des choses assez évidentes, puis c'est très... Quand je l'écris il y a un an et demi, c'était réellement des choses que moi, je n'ai pas. Donc, chez nous, on n'a pas de iPhone, on n'a pas de spa, de cinéma maison, de chalet, de câble. Et là, il y a des choses aussi qui peuvent être plus immatérielles. Quand j'avais écrit, je n'ai pas un post-doctorat à Harvard, qui est aussi un choix que j'ai dû faire. Moi, je suis allée très loin dans mes études. Est-ce que j'avais envie d'aller encore plus loin ou de passer du temps avec mes enfants? J'ai écrit, bon, toutes sortes de choses. Là, je n'ai pas une personne de ménage, je n'ai pas un gourou, une gestionnaire financière, une coach de vie, je n'ai pas des sous-marins Subway une ou deux fois par semaine dans la boîte à lunch, bref, etc., etc. Et c'est surtout pas à prendre comme un jugement des personnes qui ont, au contraire, ces choses-là. C'est un texte qui était là surtout pour faire réfléchir chaque personne de façon très personnelle à ce qui est vraiment nécessaire. Mis face à ces mots-là, on peut pas s'empêcher de se dire, mon Dieu, moi, est-ce que j'ai ça? Est-ce que je désire ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Et ces trois questions auxquelles les réponses peuvent être très différentes. Dans la deuxième partie du texte, évidemment, j'ai mis ce que nous avons. Et donc là, j'ai la première chose que j'ai mis, c'est du temps, évidemment, qui est vraiment toujours ce qui ressort le plus quand on parle avec des gens qui ont fait ce genre de choix-là. Donc, du temps, nous avons, et là, c'est encore une fois très, très contextualisé, la promenade de Champlain juste en bas de chez nous. L'idée, c'était de montrer, puis ça peut vous adapter à votre quartier, hein, l'idée, c'était de montrer qu'on peut aller passer du bon temps avec les enfants juste à côté de chez nous. J'ai une bonne santé, une hérédité favorable, une forte constitution, j'ai un couple uni, ou à peu près, m'écoute pas en ce moment le metteur en onde. L'autre moitié de mon couple. On vient de dévoiler un secret de l'émission. Le metteur en onde qui connaît toutes les chansons, ou bien du moins qui a de l'aide, c'est le conjoint d'Annie. Bon, j'ai écrit par exemple, j'ai une corde à linge, j'ai une école publique de qualité dans mon quartier, j'ai Michel et Jean, nos producteurs de légumes bio que nous connaissons depuis 10 ans déjà, bon, etc., etc. C'est sûr que ça dévoile un peu un mode de vie plutôt alternatif, plutôt branché sur des valeurs de consommation, modération, etc. Mais c'est pas un absolu, c'est pas nécessaire d'être comme ça pour pouvoir se poser des questions dans notre couple ou si on est monoparental face à soi-même au miroir, mais il y a toujours une possibilité de faire certains choix qui ne coûtent pas si cher que ça. Mais pour ça, il faut accepter d'envisager la parentalité comme quelque chose qui relève de l'être plutôt que du faire ou évidemment du paraître ou du consommer. Et donc, il faut être capable de se dire de quoi est-ce que j'ai réellement besoin, dans le fond, c'est la question qui revient tout le temps. Et moi, l'inspiration pour ça m'est peut-être venue, j'ai eu mon premier enfant aux Pays-Bas et c'était, là, je suis la mère un petit peu plus vieille ici du studio, ça fait presque 20 ans de ça, et c'était le début d'Internet. Et comme toutes les jeunes mamans, j'essayais de trouver de l'information beaucoup, beaucoup, mais c'était tout croche sur Internet. Dans ce temps-là, c'était pas des beaux sites comme aujourd'hui et j'étais tombée sur un site vraiment, une espèce de fouillis, là. Tu sais, écrit pas de marge puis pas de, tu sais, un texte vraiment presque en bloc-notes, là, en format bloc-notes. Et la personne exprimait comment, pour elle, être parent, ça coûtait rien. Être parent, là, au bout du compte, là, en fait, ce qu'elle disait, c'est un enfant a besoin de rien. Si au départ, on part de ça, après ça, on peut construire là-dessus parce qu'évidemment, on va lui donner quelque chose. Mais si tu dis un enfant, ça n'a même pas besoin de petit lit parce qu'on peut dormir avec lui, ça n'a même pas besoin de poussettes de luxe et tout ça parce qu'on peut le porter dans un bande de tissu contre nous, ça n'a pas besoin de nourriture, de biberon, de quoi que ce soit parce qu'on peut l'allaiter, ça reste très théorique. Mais quand on se rebranche là-dessus, on se rend compte à quel point, effectivement, il y a un marché énorme qui a pris les jeunes parents comme cible de consommation. Parce qu'on est insécure. Ben, tout à fait, qui tirent profit de ça et qui aussi vont proposer des modèles très, très stylés puis glamour de maternité. Hein, puis on les voit, les stars se promener avec leurs poussettes, là, que, mon Dieu, moi, la première, là, je veux dire, la bave me coule, là, quand je vois ça. Puis on en veut tous une, puis c'est sûr qu'on est tous titillés puis attirés par ça. Mais si vous vous posez des questions sur comment est-ce que je pourrais être un parent qui offre ce qu'il faut à son enfant, tout en travaillant moins et en ayant un peu moins de revenus, ne serait-ce que pour une période, c'est pas du tout, pas besoin de faire ça pour le restant de vos jours. Mais si vous avez envie de passer un 6 mois ou un 6 ans auprès de vos enfants, une demi-semaine chaque semaine ou à temps plein, vous pouvez revenir à cette pensée-là qu'au bout du compte, un enfant a besoin de très peu et qu'il y a des choses gratuites partout autour de nous, encore aujourd'hui, malgré les apparences parfois. C'est une réflexion, du moins, qu'on peut avoir. C'est ce que tu proposes, une réflexion de famille. La réflexion, c'est vraiment dans le but d'aider les gens à vraiment se demander qu'est-ce qui est important pour eux. Et ça s'adresse aux gens qui disent toujours « j'aimerais ça, mais je peux pas ». C'est de se réapproprier son choix pour se sentir plus en satisfaction. Une fois que vous avez fait cette réflexion-là, si vous dites encore, ben moi, finalement, au bout du compte, ce que je veux, c'est travailler 40 heures par semaine, j'ai une bonne garderie, mon enfant est heureux là-bas, bravo, allez-y. Mais que ce soit pas un choix de j'aimerais ça, mais je peux pas, c'est pas possible, j'ai telle chose à acheter. Ça, je trouve ça désolant pour les personnes qui le vivent. Donc, mon idée, c'est de dire à chaque personne, allez voir sur mon site, il y a des suggestions de choses qui sont peut-être pas tout à fait nécessaires pour vous. Peut-être qu'au contraire, elles le sont. Peut-être que vous passez de choses que moi, je considère comme absolument essentielles. Est-ce que tes enfants ont toujours été à l'aise avec ça? Ben, les enfants, là, quand les parents sont à l'aise, souvent, ils suivent. Alors, ils vont dire, moi, j'ai un fils en ce moment qui a 14 ans et qui est obsédé par l'idée d'avoir un téléviseur, je pense, c'est 72 pouces, ça se peut-tu? Oh, ça doit exister. Il me parle de ça à 3 fois par jour. Mais là, une télé 72 pouces, il n'y en aura pas. Comprends-tu? Peut-être qu'il essaie de négocier pour en avoir une 40. Peut-être, exactement. Mais je veux dire, tu sais, à quelque part, ça fait juste partie de la dynamique. Puis moi, je suis très sereine là-dedans, puis ça ne m'affecte pas parce que c'est vraiment clair qu'on n'aura pas ça chez nous. Fait qu'il y a ça aussi. Les enfants vont embarquer dans ce dans quoi les parents sont bien. Mais par contre, il faut respecter aussi les enfants. Évidemment, il y a un équilibre à trouver. Bon, on est tous, de toute façon, je pense que la grande majorité des parents font tout ce qu'ils peuvent pour voir au bien-être émotif de leurs enfants. Puis des fois, je sais pas moi, je n'ai que des garçons, mais j'ai tellement vu de mes amis qui sont des super mères très féministes, puis dire, ben ma fille, elle veut une Barbie avec une jupe rose, puis j'y ai acheté, puis c'est bien correct, tu sais, à quelque part, à un moment donné, puis c'est bien correct de pas le faire aussi, c'est oui. Toujours ça. Mais c'est-à-dire, c'est de voir à un moment donné quelle est la relation, quel est le besoin de mon enfant, etc. C'est pour ça que ça reste toujours très, très centré sur votre réalité à vous, mais c'est l'idée de se faire confiance et de se dire qu'on peut décrocher de ce que le marché nous envoie constamment pour faire nos propres choix à nous qui sont centrés sur ce en quoi on croit puis ce qu'on veut apporter à nos enfants. Merci beaucoup, Annie. On va aller un petit pont, on va aller un petit quiz, on y va! Bon, d'accord. On était toutes là, on suivait. En fait, André-Pierre, il est à la fin. Là, ça va être... Ben, c'est ça, pour ça, j'ai inversé. Ah, t'as mis le pont? Ben, oui, j'ai mis le pont. Parfait, oui, c'est bien beau. Oui, on va là, Julie. C'est normal que la lumière soit encore allumée, Guérin? On nous entend. Vous nous avez entendu dire que quelqu'un n'était pas arrivé et qu'on allait à la Julie. Oui, on va à la Julie, mais avant, je pense qu'il y a des gens qui ont deviné c'était quoi le pont. No doubt. Don't speak de nos doubts. Bravo, Annie! Je pense que c'est quelqu'un qui a soufflé la réponse. Mais si j'avais eu la chance d'écouter, j'aurais sûrement trouvé. J'ai tellement trippé là-dessus. C'est parce qu'on parlait trop de nos problèmes, de qui est en studio, qui n'est pas en studio. Salut, Julie Gagné. Salut. Qui est là avec nous et qui, tout l'été, va nous donner des suggestions d'activités à faire avec nos enfants. Et là, aujourd'hui, tu voulais nous parler des bibliothèques. Bien, oui, en fait, au-delà des bibliothèques, je voulais surtout te parler parce que, bon, peut-être que certains parmi vous le savez, mais j'ai animé pendant 5 ans une émission sur les arts visuels à Québec. Donc, c'est un domaine qui me tient à cœur. J'enseigne l'histoire de l'art au collégial aussi. Fait que c'est sûr que toute activité en lien avec l'art va nécessairement me brancher. Et là, ben, je voulais parler de Dehors, Dedans, des Incomplètes. Je sais pas, en 2013, si vous aviez vu ça, c'est une exposition pour les tout-petits au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Il y avait des petites cabanes dans lesquelles il y avait toutes sortes d'environnements, des tissus, des textures, des œuvres, des ambiances. C'était vraiment une exposition qui était destinée aux tout-petits. Puis moi, ben, j'étais allée avec mon fils, il y avait à l'époque 9 mois, donc vraiment jeune. Finalement, pour y aller, il faisait juste taponner, puis il regardait rien. Puis quand j'ai vu que ça passait au Musée national, que ça passait dans les bibliothèques de Québec, là, je me suis dit, ça y est, je peux pas passer à côté, là, je peux pas. C'est sûr, faut que je retourne voir ça avec mon garçon plus vieux. Fait que dans le fond, Dehors, Dedans, c'est un projet des Incomplètes. Est-ce que tu connais les Incomplètes, Sandra? Non, ben écoute, je l'ai présenté. C'est une compagnie qui a été fondée en 2011 par Josiane Bernier, Audrey Marchand et Laurence P. Lafaille. Mon Dieu, je suis toute essoufflée. Prends ton temps. J'ai tellement été habituée de faire des entrevues que la chronique, je sais plus comment respirer. Et donc, maintenant, il reste juste les deux dernières. C'est une compagnie de recherche et création théâtrale qui puise son inspiration dans les rencontres interdisciplinaires pour créer des œuvres qui sont vraiment sensorielles. Donc, est-ce que c'est juste des œuvres pour enfants? Oui. Okay. Ben, là, peut-être qu'ils vont faire des œuvres pour adultes, là, mais ça me surprendrait. Donc, ils ont fait des spectacles pour enfants, par exemple, Eau et Hydredon, qui étaient, ben, c'est deux spectacles là, qui étaient destinés aux enfants de 12 mois et plus. Sinon, il y avait Terrier pour les enfants de 4 à 8 ans. Ils ont fait Sentier, c'était leur première exposition au Musée national des Beaux-Arts. Puis, en 2013, ils ont fait Dehors, Dedans. Puis, à la suite de ça, là, ben, ils ont décidé de continuer leur projet et tout. Je vous lis une citation qui est sur leur site Internet qui va vous donner une idée là, de ce qu'ils font, de ce qu'elles font. En fait, ce sont des filles. Créer pour la petite enfance et inventer un espace de beauté, de contemplation, un espace pour être ensemble et s'apprivoiser à travers une œuvre dès les premiers mois de vie. Donc, il y a vraiment cette idée-là de sensibiliser les enfants à l'art. Mais à quel âge est-ce qu'on peut commencer à sensibiliser un enfant à l'art? Ben, tu sais, ils disent à partir de 12 mois, mais tu sais, sensibiliser à l'art, c'est quoi? C'est regarder, toucher, c'est faire appel aux textures, les couleurs, tu sais, juste en montrant des images qui bougent, en montrant des livres. À mon avis, on sensibilise les enfants à l'art. Mon fils a 2 ans et demi, puis il y a déjà des goûts de dessinateur. Il y a des goûts de livres. Donc, pour avoir développé ces goûts-là, ça fait longtemps qu'il en regarde. Ben, en tout cas, moi, j'en montre, là. Moi, j'aime ça. Je pourrais parler de livres pour enfants aussi assez longuement, là. Mais bon, tout ça pour revenir à Dehors, Dedans. En fait, ça avait eu lieu en 2013. Et là, il y a une collaboration avec les bibliothèques de Québec, les Incomplètes et le Musée des Beaux-Arts pour faire une exposition nomade. Donc, c'est la version nomade de l'exposition qu'il y avait eu en 2013. Ben, c'est pas l'exposition, c'est des œuvres différentes. Puis le but, ben, c'est de faciliter l'accès à l'art au plus grand nombre. Donc, plutôt que d'amener les gens au musée, parce que le musée, des fois, ça fait peur. Surtout avec des enfants, on a peur que nos enfants soient bruyants, qu'ils dérangent. Ben, quoi que là, une bibliothèque, on a peur aussi. Ben, c'est ça, mais c'est que là, tu sais, quand les enfants vont à la bibliothèque, il y a tout le temps des sections pour enfants. Puis là, c'est amener l'art à la bibliothèque déjà. Donc, c'est un pas en avant par rapport au musée, parce que moi, j'y suis allée au musée avec mon fils, puis à un moment donné, c'est sûr qu'il crie, puis il stand, puis il est plus capable. Mais là, en allant comme ça à la bibliothèque, ils ont fait ça dans 3 bibliothèques, soit la bibliothèque Monique Corriveau sur la route de l'église, la bibliothèque Gabriel Roy, puis la bibliothèque, écoute, je me suis perdue dans les travaux pour aller là, j'ai passé dans les parkings, puis c'est dos d'âne pour réussir à me rendre à la bibliothèque Félix Leclerc à Val-Bélair. Une très belle bibliothèque, d'ailleurs. Oui, je pense que je... Oui, ouais, pas pire quand même, mais j'avoue que j'ai un faible pour Monique Corriveau, là, définitivement. Là. Tellement. C'est vraiment la plus belle bibliothèque de la ville, là. Mais bon. Celle de Charlebourg aussi. Oui, eh bien, mais Monique Corriveau, franchement, est spectaculaire. Mais Monique Corriveau, je pense qu'elle est plus adaptée aussi pour les enfants, pour le bruit. Oui, oui, il y a vraiment une section, là. Je pourrais parler de leur section, mais vraiment une section pour enfants, là, avec des portes, puis il y a des jeux, plein de jeux IKEA. Pour les enfants, c'est vraiment assez plaisant. Il y a un petit parc même à côté, là. Ça vaut, si vous avez une auto, là, si vous habitez en ville, vous avez une auto, vous habitez à Sainte-Foy, allez-y, là. Franchement, ça vaut la peine. Donc, pour revenir encore à Dehors, Dedans, c'est une exposition multisensorielle qui est à mi-chemin entre les arts visuels, l'art audio, la littérature enfantine. Donc, il y a ces maisons-là dans chacun dans chacune des bibliothèques. La première, c'est Fleuve, la deuxième, Archipel et la troisième, Jardin. Donc, ils sont placés, puis autour, il y a vraiment comme un petit jardinet sur lequel il y a des tapis, des coussins, des chaises, selon les types de maisons. Ça va être la chaise adirondack ou la chaise berçante que mon fils a adorée. Et là, il y a des livres à l'extérieur de la maison en lien avec les maisonnettes dans lesquelles les enfants vont entrer. Fait que dans le fond, c'est oui, sensibiliser à l'art, mais aussi offrir un petit coin de lecture. Puis quoi plus attrayant qu'une petite maison pour un enfant, honnêtement, là? On en aurait tous voulu une? Oui, on en aurait tous. Mais moi, j'en ai, là, en tissu chez nous, là. Ils sont vraiment cheap, puis ils sont loin d'être aussi belles que ça de la bibliothèque. Mais définitivement, celles des bibliothèques sont vraiment magnifiques. J'ai oublié de mentionner que ces maisons-là sont faites en collaboration avec Pierre et Marie, qui sont un duo là, d'artistes en art actuel qui ont fait le design et la réalisation. Il y a Fred Lebrasseur, vous le connaissez peut-être, hein, c'est un percussionniste assez connu là, qui a fait une trame sonore avec les enfants de l'école Saint-Jean-Baptiste. Puis c'est Olivier Roberge et Valérie Côté qui ont fait le montage. Donc on arrive dans les bibliothèques, puis dans les sections pour enfants, il y a la maison. À la bibliothèque Gabriel Roy, c'est Archipel. Ça va être la même maison tout le long dans la bibliothèque? Non, c'est une petite maison. Là, mais arrête, petite que arrête studio, là, les maisons ne changent pas de bibliothèque. Non, ils ne changent pas. Okay. Ça, c'est dans trois bibliothèques jusqu'au 19 juillet. Puis après ça, au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, au printemps 2016, pardon, il va y avoir une version unifiée, donc une exposition dans la salle de la famille au Musée des Beaux-Arts. Donc, comme je disais, c'est Archipel à la bibliothèque Gabriel Roy qui nous présente une œuvre de Catherine Bolduc. Il y a un ciel étoilé, une genre d'îlot central rosé. À Monique Corriveau, c'est Fleuve, où là, on nous propose un espace de liberté, de se laisser bercer par le son des vagues. On nous propose un centre-site du corpus Etit Nedi. Ça a l'air de noix amérindien, je sais pas. De Joanne Tremblay, il y a des quais, des vagues, le plafond qui s'ouvre sur le ciel. Et finalement, la bibliothèque Félix Leclerc, c'est, je pense que c'est ma préférée, celle-là, c'est Jardin. Donc, on est comme entre le jardin secret et le pays des merveilles, puis une magnifique œuvre de Max Weiss, avec une centenaire avec des fleurs là, qui poussent un peu partout là, sur sa tête. Fait que ça vaut vraiment la peine. Mais je te dirais c'est tout que... l'été? Oui, c'est tout l'été. C'est jusqu'au 19 juillet. Okay. À 2 ans et demi, on s'entend, mon fils, il trippait plus à être dans la petite maison. Puis c'est moi qui conceptuellement aimais ça, là, le tapis, toucher. Tu sais, il y a des matelas en mousse. Tu sais, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment apaisant. Merci, Julie. Et il y a Isabelle aussi qui avait une proposition parce qu'Isabelle, en tant que village qui aide notre enfant, a des activités de tente cool. Alors, des choses que nous, on ferait peut-être pas avec nos enfants en tant que parents éducateurs et qu'on veut donc bien ouvrir leurs horizons. Vous voulez tellement montrer l'exemple, hein, mais moi, ça va être le contraire parfois. Mais là, cette semaine, en fait, l'activité cool que je propose, ça s'adresse aux parrains, marraines, tantes et oncles. Donc, admettons, le jeune dans votre famille pratique un sport, que ce soit le soccer, la natation, tout ça. On arrive, puis là, la semaine d'avant, on a sorti nos crayons à colorier, on a bricolé, on s'est confectionné des affiches grandeur extrême. Disproportionné. Ah ouais, grandeur extrême. Et là, on les cache, on va écouter la partie, et à la moitié de la partie, on sort ça et on crie. Puis là, on crie à s'époumbonner, là. Tu sais, on perd notre orgueil. Mais là, pas pour faire honte à l'enfant, là, parce que rendu à un certain âge, il faut pas dépasser la limite. Je l'ai appris, en fait. À tes dépens? Oui! Le frère de mon filleul. Mais, quand même, il a trouvé ça drôle, puis je pense que ça atteignait la coolitude. Mais est-ce qu'il faut attendre que son équipe mène aussi? Non, ça remonte le moral aussi quand ça va pas bien. OK. Ah, ouais. Après ça, les buts sont faits. Fait que les parties de soccer, tout ça. Exact. La natation. Natation, c'est très drôle parce qu'on est avec des vitres souvent. Donc, c'est plus les parents qui nous entendent que l'enfant. Mais c'est pas grave. Ayez pas honte. Alors, on va là notre chanson familiale choisie par André-Pierre Bérubé qui va nous parler de zombies après sa chanson de Benabar. Un joyeux brouhaha, un chaleureux chahut nous retient autour d'une table à peau du ventre bien tendu. Les vieux finissent l'eau de vie tandis que les jeunes mangent leur pain blanc en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie. Une forte tête blonde termine sous la menace ses minuscules dés de viande. En faisant la grimace, il en donne un sur deux aux chiens. Moi j'y vois clair dans son petit jeu. Il me supplie du regard, alors je ferme les yeux. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. Le bébé en bout de table, sur sa chaise d'arbitre, surveille d'un œil abstrait l'arbre généalogique. Dire qu'on vénère tellement ce petit incontinent, la grand-mère l'embrasse en rital, je vous jure que c'est mieux avec l'accent. Ça me rappelle quand on était gamin, on faisait nos prières en italien. J'ai longtemps cru que Dieu était rital, mais maintenant je sais bien qu'il est américain. J'en fais des dunes de sel pour aspirer les taches. En fait... Oui, on est en ordre, André-Pierre. Toujours sur les ondes de CKRL à l'émission Parenthème. Qu'est-ce que tu voulais dire, en fait? Je voulais dire, il y a un moment parfait pour mettre la chanson en sourdine qui s'en vient dans un instant, mais j'y étais déjà, alors voilà. On a été trop impatients. Alors, c'était ta demande spéciale, Benabar, la petite monnaie. Et là, bon, ben, je le disais en début d'émission, 5 clés pour réussir sa garde partagée en cas d'invasion de zombies. Oui. C'est ton thème, et je n'en sais pas plus. Sandra Lalancette m'a invité à participer à Parenthème pour deux raisons. La première, c'est outrageusement discriminatoire, c'est que mon nom est écrit sur le certificat de naissance de quelqu'un. Donc, ça me donnait la clé pour entrer ici. Et que t'es un mâle. Voilà, c'est assez rare que autour de la table, mais j'y suis. La seconde, c'est que Sandra voulait offrir une pluralité de points de vue sur la parentalité et sur l'enfantéisme. Et Sandra, bon, en animatrice consciencieuse, fidèle au principe d'équité des points de vue, mention écrite au fronton du temple des normes et pratiques journalistiques, a décidé de réunir autour de la table des mères consciencieuses, des pères dévoués, des gens éclairés. Il manquait un représentant de l'obscurantisme, des idées sombres. Ben, jusqu'à maintenant, il y a Raymond Poirier et toi, là. C'est deux pères assez indignes qu'on a pour le moment. Tant mieux. Ben, pourquoi mes propos sont obscurs, c'est qu'ils sont obscurcis par les volutes de mes théories fumeuses. Théories, en général, totalement invérifiables, et dont Sandra Lalancette, votre animatrice, subit chaque jour de ses non-congés de maternité sur notre lieu de travail qu'on partage. Ben là, on part avec des zombies, fait que pour les théories fumeuses, ça commence bien. Tout à fait. Il y a une raison pour laquelle je veux parler de zombies. C'est un sujet qui est complètement occulté au Canal Vie quand on parle de famille, quand on parle de parentalité. C'est abordé à peu près nulle part dans l'histoire de l'humanité. Si je me fie à la recherche Google de 2 minutes que j'ai fait, comment bien vivre sa garde partagée en période d'invasion de zombies? C'est... Difficile. Moi, ça peut être une source d'angoisse. Moi, ça l'a été pendant un bout de temps. J'avais dit 5, mais j'ai réduit ça à 4. J'ai décidé d'aller à l'essentiel. Il y a 4 choses importantes, je crois, qu'on doit faire pour s'assurer que sa garde partagée se déroule bien pendant une période d'invasion de zombies. La première, c'est de prévoir d'avance. Le lieu, où est-ce qu'on sauve pour qu'on sauve au même endroit? Ben, en fait, au départ, tout couple, même uni, doit réfléchir à son plan en cas de survivalisme. Le gouvernement vous dit qu'il faut préparer 72 heures si jamais vous avez pu accès à de l'eau, de l'électricité. Je m'en vais tellement à Place Fleur de Lys. C'est vrai, ben, il y a des endroits qui sont naturels. Fait pour ça. Mais il faut bien la préparer. C'est comme une bonne séparation. Ça se prépare quand on s'aime encore. Et il n'y a pas un... Peut-être c'est générationnel, mais plusieurs de personnes dans mon entourage ont préparé à un moment de leur vie un plan de zombie. Alors, qu'est-ce que ça comprend, un plan de zombie? C'est assez simple. Un lieu où on va se rendre, un mode de transport pour se rendre à cet endroit-là. Cet endroit-là qui doit être protégé, qui doit être sécuritaire ou alors facile à tenir. Est-ce qu'on prend des armes à feu ou pas? C'est une question qui doit se poser. Est-ce qu'on amène de la nourriture ou pas? Comment on va se nourrir? Comment on va vivre en autarcie pendant un bout de temps? Et est-ce qu'on trouve des manières de communiquer? Est-ce qu'on amène des amis? Est-ce que il faut réfléchir à ça, parce que quand ça arrive, il est comme trop tard. Il faut être prêt d'avance. Mais là, t'es pogné avec ton ex dans ton plan. Quand je me suis séparé, il y a beaucoup de choses qui se sont réglées très rapidement. pas dans la facilité, c'est jamais un moment facile à vivre, mais il y a toutes sortes de choses, bon, les possessions matérielles, on s'est très bien entendu, moi et mon ex, sur la carte partagée à 50-50, on aurait pris 70-70 tous les deux, mais c'est pas possible. Et ce qui est devenu problématique, ça a été le plan zombie. Qu'est-ce qu'on va faire en cas de d'effondrement de la société et d'attaque de ces personnes décérébrées? Alors, dans notre plan, il y avait cet endroit-là où on allait aller. Moi, par exemple, je disais, ah ouais, quand je vais à la pêche toute une fin de semaine de temps, mais c'est pour me pratiquer en cas d'invasion de zombies. Comme ça, je vais savoir pêcher pour ramener de la protéine. Donc, elle était comme, ouais, mais là, tu portes la fin de semaine de pêcher. Mais c'était utile. Elle disait, elle avait l'audace de dire que tout l'argent qu'elle mettait dans du matériel de tricot et des balles de laine était son entraînement à elle pour fabriquer des vêtements dans cet univers. Et tout le monde autour de la table a l'air de trouver que c'est une bonne idée. Oui, on aura... Mais non, mais on n'aura pas de le textile va être super abondant dans l'avenir, les filles. Ou on va tous être tout nus en cas d'invasion de zombies. Les vêtements ne dépériront pas dans les magasins abandonnés. À place sur le liste où je vais être. Par exemple, la nourriture, c'est plus important. En tout cas, on pouvait se faire la gueule comme ça pendant des heures. Ça explique peut-être notre séparation. Donc, c'est bien important d'avoir un plan d'avance. Deuxième point important, il faut consulter la doctrine. Alors, consulter la doctrine, ça veut dire vérifier dans tous les textes, les films, les séries télé qui ont été faites sur les zombies pour voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information. On trouve pas grand-chose. Je vais sauter des choses, je vais en mettre de côté. Mais je peux vous dire que la seule occurrence que j'ai trouvée de garde partagée dans des séries, c'était dans une série américaine, dans The Strain. On parle de zombies vampires ici, et on se pense le personnage principal perd la garde de son fils, mais la mère est contaminée. Et ce sont des zombies qui sont attirés par les gens qu'ils aimaient de leur vie consciente. Alors, l'ambiance en médiation a dû en souffrir énormément à partir de ce moment-là. Troisième point important, faire preuve de fermeture d'esprit, OK? Bon, oui, non, c'est important. On a un plan, on stick to the plan, c'est important. Ex-épouse, elle avait rencontré un autre homme qui avait aussi un enfant d'un autre lit. Et ex-épouse avait déjà évoqué l'idée que on devrait ajuster notre plan pour permettre d'inclure le nouveau copain, le nouvel enfant et la mère de l'enfant du nouveau copain. Non. Ça peut juste pas marcher. C'est pas possible. On va peut-être amener des armes à feu qui seront pas entreposées selon le règlement. Sacrifier. Non. Il faut juste rester au plan initial. Il faut garder. Ils se feront leur plan, puis tant mieux si ça concorde avec notre plan. Oui, voilà, c'est bien. Ou alors on fait une réunion tous ensemble, tout le monde autour de la table, et on prend le temps d'écrire, de réfléchir à ce qui est important. Mais il faut pas s'ouvrir à toutes les pratiques contemporaines. Dernier point, André-Pierre. Très rapidement, il faut se rappeler que les enfants en période d'invasion de zombies, c'est plus que jamais l'avenir de l'humanité. On fait ça pour eux. Il faut prendre soin d'eux. Oh, dans le fond, c'était profond, ta chronique! Et que... dans notre vie de tous les jours, les enfants ont dit oui, c'est l'avenir, tout ça, mais bon, il y en a beaucoup des enfants. En période d'invasion de zombies, chaque enfant a une valeur propre. Il faut faire attention de bien s'entendre avec son ex pour pas le traumatiser. Il y a déjà en masse de problèmes comme ça. Merci beaucoup. On va parler de ça à notre prochain rendez-vous chez le notaire. Alors, c'était la fin de l'émission Parenthème. On vous invite à nous suivre toute la semaine sur Facebook, Twitter, et on est disponible en balado-diffusion. Au revoir! Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. L'heure H avec Hubert Tremblay suit à l'instant. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Du 11 au 14 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec le Festival de la chanson de Tadoussac. Pour l'occasion, une navette partira vers Tadoussac de la gare centrale de Québec vendredi 12 juin à midi. Le retour vers Québec se fera dimanche 15 juin à 13h15. $40 pour l'aller-retour. Informez-vous au 1-866-861-4108. Une invitation de la bière Belle Gueule. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% chez Sillon le Disquaire au 1149 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Vous écoutez CKRL 89.1.